Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Louise Bourgeois, au-delà de Jenny Grandet, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Charlotte Escabez, réalisée par Sophie Haute-Picon. La question d'aujourd'hui commence par cette phrase. Les gens heureux n'ont pas d'anecdotes à raconter, n'ont pas d'histoire, ils n'ont rien à dire, ils ont été heureux et c'est totalement improductif. Ce n'est pas mon cas. Je ne veux pas être horrifié par les choses que j'ai dites. Ils reflètent une de mes obsessions, être utile. Ce que je veux, c'est me souvenir totalement du passé, avoir un contrôle total sur le passé. Quel sens y aurait-il à mentir ? Ces mots sont de Louise Bourgeois, artiste, sculptrice et plasticienne franco-américaine, et cette question « Quel sens y aurait-il à mentir ?» résonne dans son œuvre et dans sa vie. L'artiste a été célébré tardivement en France. Son pays natal l'honora tout de même en 1991 en lui décernant le Grand Prix National de la Sculpture et lui consacrera deux rétrospectives en 1995 et en 2008. Louise Bourgeois est née à Paris le 25 décembre 1911. Elle est morte à New York le lundi 31 mai 2010, à l'âge de 98 ans. À sa mort, la presse française a longuement raconté sa vie, son œuvre, comme dans cet article du Monde de 2010, qui dit par exemple « Louise Bourgeois bâtit une œuvre autobiographique singulière et violente entre expressionnisme abstrait et figuration de l'inconscient, des sculptures minimalistes ou géantes, mais toujours chargées de symboles. » Dans Libération, on peut lire, en continuant cette rapide revue de presse, sous la plume de Vincent Note, « Louise Bourgeois fut le plus grand sculpteur de la seconde moitié du XXe siècle après Brancusi et Giacometti, dont elle partageait d'ailleurs une inspiration surréaliste. Son œuvre est surtout connue du grand public par ses immenses araignées qu'elle appelait des mamans. Elle est la mère d'une œuvre prolifique et assez effarante, d'une violence assourdie par l'ironie. » Enfin, dans le journal La Croix, Sabine Gignoux écrivait « Son œuvre évoque les grandes peurs enfantines, l'ombre démesurée des adultes, l'ambivalence des pulsions où l'amour se mêle à la dévoration. À l'image de ces araignées de bronze géantes, figure maternelle à la fois protectrice et menaçante. Inclassable, torturée et féministe, ses œuvres seront toujours basées sur un rapport ambigu avec le féminin et le masculin hérité d'une enfance difficile », rajoute Céline Maréchal dans Les Inrecuptibles. Et pour laisser les derniers mots à l'artiste, ma sculpture est mon corps est ma sculpture. Voilà. Après la fiction, pour mieux comprendre qui était Louise Bourgeois et l'influence importante qu'elle continue d'exercer sur les nouvelles générations d'artistes, nous recevrons Jacqueline Caux, psychanalyste, écrivain, cinéaste et artiste, auteur du livre intitulé « Tissé tendu au fil des jours, la toile de Louise Bourgeois » à partir d'entretiens réalisés entre l'artiste et Jacqueline Caux. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Louise Bourgeois, au-delà de Jenny Grandet, de Charlotte Escamez. Les gens heureux n'ont pas d'anecdotes à raconter. Ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont rien à dire. Ils ont été heureux et c'est totalement improductif. Ce n'est pas mon cas. J'ai tenu des carnets toute ma vie, depuis l'enfance. Parfois, sans que je m'en doute, ils sont amusants. Lorsqu'on essaie d'être amusant, on n'y arrive jamais. Je tiens trois sortes de carnets, écrits, oral sur bande magnétique, et mon carnet de dessin, qui est le plus important. Je ne les détruis pas, mais je ne les relis pas non plus. Je ne veux pas être horrifiée par les choses que j'ai dites. Ils reflètent une de mes obsessions, être utile. Ce que je veux, c'est me souvenir totalement du passé, avoir un contrôle total sur le passé. Quel sens y aurait-il à mentir ? Mai 2010, dans mon atelier à New York, je ne peux pas me passer de Jerry, mon jeune assistant. Louise, je suis là. 10h tapant. Chut, je m'enregistre et je parle de toi. Appuie sur stop. Mon jeune assistant, donc, Jerry Grovoy. Il m'aide, me protège et m'empêche de détruire mon travail. Il est une sorte de mentor. Tu as pu dormir cette nuit ? De mentor. Et le jeune pénible qui parle en même temps que moi. Bref, je ne souhaite pas le définir, c'est impossible. Un croissant ? Laisse-moi finir, bon sang de bonsoir. Et va voir dans l'atelier. Levé à 6 heures, eu le temps de m'habiller, ranger la maison, préparer la journée, payer les factures. Pendant le petit déjeuner, thé et miel. Je médite en réalité sur la condition humaine et un souvenir ressurgit. Je suis dans une voiture fermée, avec mon père qui conduit, silence. Je tiens la main de ma mère. Elle me considère comme son garde du corps. Je la considère comme un refuge. Aujourd'hui, j'ai les pages jaunes pour seule compagnie. Mon cœur bat fort. Louise, tu m'en veux ? Fais moins de bruit en entrant la prochaine fois. D'habitude, tu apprécies quand j'arrive en fanfaronnant. Tu dis que ça te réveille. Alors, ce croissant ? Tu pourrais venir plus tôt, qu'en penses-tu ? Si je m'enregistre, c'est pour passer le temps. Je suis suspendue à ton arrivée. 10 heures, c'est parfait. Tu l'as décidé ainsi. Et puis, il faudrait changer le titre de... The 10 a.m. is when you come to me. Une œuvre lumineuse. Nous deux immortalisés à quatre mains sur du papier à musique. J'ai rien remarqué dans l'atelier. C'est-à-dire ? Pas de dommage. C'est à toi de voir. T'as l'air énervé ce matin. Je suis toujours calme, sauf quand on m'énerve. Non, je déteste cette sculpture. J'ai failli l'assassiner 10 fois déjà. Elle vivra, elle sera. On la verra. Toi, tu as l'air d'avoir passé une nuit agréable. Ouais. Je ne perds pas mon temps à dormir. Être insomniaque a ses avantages. J'ai eu le temps de la regarder, de lui parler, de lui tourner autour, mais elle ne bouge pas. Comment est-elle supposée bouger ? Je ne sais pas, moi. L'œuvre répond ou elle se tait. Ou même, elle se terre. Et si elle se terre, c'est qu'elle a quelque chose à cacher, à me cacher. Et je n'aime pas ça du tout. Mes sculptures ne sont pas des potiches. Je croyais que tu le savais. Bien sûr que je le sais. Alors tu sais aussi qu'elle se transforme. Puisqu'elle ne reste jamais en place. C'est ça. Du thé. Il nous faut du thé. Toujours commencer par la pause. J'ai posé les journaux sur la table. On parle de toi. Je m'en moque. Et c'est maintenant qu'il le dit. Qu'est-ce qu'on raconte sur mon compte ? Au premier abord, le destin de Louise Bourgeois, femme libre et indépendante, semble bien différent de celui de la jeune fille tendre et docile imaginée par Balzac. C'est pourtant dans un processus d'identification que furent conçues ses œuvres. En septembre 2009, alors qu'elle travaille à l'exposition, l'artiste confiait au journal The Guardian « J'adore cette histoire, ce pourrait être l'histoire de ma vie ». Je me suis longtemps prise pour Eugénie Grandet, mais j'ai quitté mon père et je me suis mariée et j'ai eu 3 garçons. Et dans celui-là, page culture, voilà. Louise Bourgeois impose à nouveau sa biographie comme principale grille de lecture d'une œuvre où résonne l'écho de « Destruction du père » 1974, sa première grande installation, ou de la gigantesque araignée de « Maman » 1999. Il reste plusieurs broderies à finir. Tu crois qu'on aura le temps d'en venir à bout aujourd'hui ? Du temps, j'en manque. Non. Aujourd'hui, rien ne sera terminé, rien. Jerry, buvons le thé avant de nous mettre au travail. C'est comme cela que tout a commencé entre nous il y a 29 ans. 30 ans, Louise. Autour d'un thé, comme aujourd'hui. Tu étais en colère à cause de ton exposition dont tu n'aimais pas l'installation. Et tu as su m'apaiser. Quand on est au fond du puits, on regarde autour de soi en se demandant « Qui viendra m'en sortir ?» Et c'est là que tu apparais. Que tu tends une corde. À tes côtés, j'entre dans l'histoire. Eugénie Grandet. On ne parle que d'elle et moi. Ce livre de Balzac écrit en 1833 met en scène une jeune fille douce et aimante dont les amours sont contrariés par un père avare et despote. Au fil des ans, l'héroïne se dessèche et se replie sur elle-même. Pour elle, Louise Bourgeois a composé une série d'œuvres intimistes. L'exposition « Louise Bourgeois, moi, Eugénie Grandet » vient d'ouvrir dans l'ancienne demeure de l'écrivain français dans le 16e arrondissement de Paris. Louise Bourgeois voyait dans Eugénie Grandet le prototype de la femme qui ne s'est pas réalisée, prisonnière de son père qui avait besoin d'une bonne. Louise ! Louise ! Mais non, tu ne peux pas. Tu dors ? Tu me quittes ? Notre vie ensemble s'arrête. Je voulais t'emmener à Paris pour ton exposition. La mort de Louise Bourgeois, la grande une artiste immense qui vient de disparaître à New York d'une crise cardiaque. Elle avait 98 Bourgeois ans. Bourgeois est morte à New York à 98 ans, française et américaine. Cette femme sculptée depuis toujours, mais elle a connu un succès mondial. Je suis née à Paris le 25 décembre 1911. À 10 ans, je m'attaque à l'art, en aidant mes parents, restaurateurs de tapisseries anciennes. J'ai voué entièrement et intimement ma vie à mon art. J'ai passé 11 ans au lycée Fénelon. Je me suis présentée au bac toute seule. J'ai étudié aux Beaux-Arts, à l'école du Louvre et aux ateliers de Bissière et de Fernand Léger. Je me suis mariée à l'historien d'art américain Robert Goldwater et on s'est installé à New York en 1938. Dès l'année suivante, j'ai commencé à exposer mes gravures. J'ai continué pendant la guerre. Parmi les surréalistes émigrés dont je me suis pourtant toujours sentie si éloignée, je suis libre de toute école ou mouvement artistique. Mon œuvre est existentielle. Pour moi, la sculpture est le corps. Mon corps est ma sculpture. Tout mon travail se nourrit de mon enfance, perturbée par les frasques de mon père Volage, ouvertement infidèle à ma mère, et par sa douleur à elle. Il fallait que mon anxiété s'exerce sur des formes que je pouvais changer, détruire et reconstruire. Louise, aide-moi à mettre le couvert. Lorsque j'étais enfant, maman disposait toujours une autre assiette à côté de celle de mon père. Il avait le droit de la briser. Il passait ses nerfs comme ça plutôt que sur nous. C'était un homme violent. Ma mère était inventive et patiente. Nom de Dieu ! Encore une ? Je n'aurai bientôt plus de vaisselle. Et je tiens de lui. Je casse tout ce que je touche. À la fin du repas, parfois papa inventait des jeux. Alors je vais vous faire une démonstration. Ça s'appelle le jeu de l'orange. Écoute bien Louise, ou plutôt regarde. J'ai appris ça dans les tranchées. Ah oui, j'adore les jeux. Louison, tu choisis une belle orange. C'est préférable. Tu dessines un corps de femme dans l'écorce avec un couteau. La tête, les épaules, les seins, le ventre. Regarde comme elle prend forme. Je dois aussi lui dessiner des bras, des hanches, des jambes. Peut-être que tu pourrais plutôt lui apprendre à jouer aux échecs. Tu es très doué pour ça, Louis. Laisse-moi faire, tu veux ? Voilà un corps digne de ce nom. Regarde. Et ses longs cheveux, c'est beau, hein ? Ouais. Ensuite, il ne restera qu'à retirer sa peau. Mais il faudra être extrêmement soigneux. J'ai été bon dès ma deuxième orange. La guerre était affreuse. Nous avions besoin de nous distraire un peu. Waouh ! Elle est bien jolie. Il est tard. Louise devrait plutôt aller se coucher. Penses-tu ? Elle veille. Elle est solide et résistante. Hein, Louison ? Et puis cesse de m'interrompre tout le temps. Le secret est de placer la queue de l'orange à l'endroit des parties génitales. Voilà. Comme je le disais, le plus délicat est d'extraire sa peau. Mais à qui ressemble-t-elle ? On dirait toi, ma Louison, cette petite figurine, tu ne trouves pas ? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Louis, c'est un peu déplacé ! Quelque chose a poussé entre les jambes. Mais tu n'as rien de tel, ma Louison. Il te manquera toujours ça. Pauvre Louison qui ne sera jamais un garçon. Allez, riez donc avec moi. C'est pas drôle. La cruauté ne s'oublie pas. La cruauté de mon père envers moi, envers ma mère. Louis, je sais que tu voulais un garçon. J'en suis navrée. Mais regarde-la. Même si c'est une fille, c'est ton portrait craché. C'est vrai qu'elle nous ressemble. Elle a un fichu caractère. Ça a été ma chance, ressembler à mon père. Est-ce que ma mère m'aimait parce que je ressemblais à son mari? Entre mon père et moi, c'était l'amour vache. Cela voulait aussi dire que je n'avais pas un sou. Il me restreignait car il voulait soi-disant que je me marie. Mais il n'aimait jamais les hommes qui me tournaient autour. Louise, il faut que tu ailles à l'école. Il n'y a que ça qui compte. Sans ça, ton père va se retourner contre toi et te dire « Tu n'es qu'une bonne à rien, tu n'es même pas mariée. » Tu sais, maman, je me sens bien au lycée Fénelon. J'aime étudier, je suis la première de ma classe. Mais les autres filles se moquent de moi à cause de ma coiffure. Elles disent que je dois courir après les garçons. Elles te taquinent parce qu'elles sont jalouses de toi. N'y prends pas garde. Sur la photo de classe, j'ai gratté mon visage avec une lame de rasoir. Tu vas trop loin, Louise. Qu'est-ce qui va te rester comme souvenir quand tu seras grande? Le passé a deux visages. Au fond, papa, tu aurais voulu que je reste à tes côtés, comme une vieille fille, comme cette Eugénie Grandet que j'ai l'impression d'être. Le livre ne me quitte pas. J'ai l'impression d'entendre ta voix. Je crois bien que je ne te donnerai plus rien, pas seulement ça. Vous méprisez donc votre père, vous n'avez donc pas confiance en lui, vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un père. S'il n'est rien pour vous, il n'est rien. Mon père, je vous aime et vous respecte malgré votre colère, mais je vous ferai fort humblement observer que j'ai 22 ans. Vous m'avez assez souvent dit que je suis majeure pour que je le sache. Il faut se débarrasser du passé. Alors il faut le recréer. Balzac semble me connaître. Quand je relis ce passage d'Eugénie Grandet, je me dis qu'il l'a écrit pour moi. Papa, tu m'as empêché de fonctionner comme une personne normale et heureuse. Il aura bien fallu que je me venge. Je t'ai mis en pièces dans une œuvre. Il y a une table dressée. Il se passe toutes sortes de choses. Une voix, la tienne, raconte combien tu es formidable, tous ces méchants auxquels tu as cloué le bec aujourd'hui. La même scène se reproduit quotidiennement. Le ressentiment grandit chez les enfants, alors ils se mettent en colère. La tragédie est palpable. Les enfants t'empoignent et t'étendent sur la table. Tu leur sers de nourriture. Tu es déchiqueté et démembré. Ils t'ont liquidé en te mangeant. Pour toi, j'ai créé une grotte rouge sang en latex où règnent les restes de ton corps. En réalité, ce sont des moulages d'animaux. Je suis allée au Meat Market de la 9e avenue et je me suis procuré des épaules d'agneau, des cuisses de poulet que j'ai moulées dans le plâtre. La destruction du père est une œuvre meurtrière, comme une pulsion qui surgit sous une trop forte pression, comme lorsqu'on tourne sa violence contre ceux qu'on aime le plus. Avec maman, nous restaurions les grandes tapisseries rapportées de voyage par mon père. Ma mère, qui venait d'Aubusson, était une experte en la matière. Nous vivions à Antony, l'atelier familial fonctionnait bien. Mes parents avaient engagé une jeune fille au pair, Sally, qui m'apprenait l'anglais et s'occupait de nous. Enfin, surtout de mon père. Louise ! Maman ? Va voir Sally. Tu n'as pas eu ta leçon d'anglais aujourd'hui. Sally est avec papa ? Bon, tu la retrouveras plus tard. Tu vas m'aider à laver la tapisserie dans la Bièvre. Prends le savon de Marseille et retrouve-moi au lavoir. Mais elle est trop lourde, je pourrais pas t'aider à la porter. Ma fille, je vais te dire une chose. Il ne faut pas avoir peur d'échouer dans la vie ou de ne pas trouver ta place. La seule chose à faire, c'est de se rendre indispensable. Tu sais, les pieds que tu as dessinés hier pour notre nouvelle tapisserie étaient très bien réalisés. Je suis spécialiste des pieds. Maman, nous allons laver cette tapisserie ensemble. Je préviens papa. Non, laisse-le, il doit être occupé. Louise, tu sais d'où vient ton prénom ? Papa s'appelle Louis ? Il vient de Louise Michel. C'est notre Rosa Luxembourg française. Oh. N'oublie jamais que toutes les femmes de notre famille sont féministes et socialistes. Ma Louise, tu ne toucheras jamais l'aiguille. Tu seras éduquée comme il faut et je suis bien contente pour toi. Tu sais d'où vient mon prénom ? Daddy ! mais il ne me répondait pas. C'est grâce à ses maîtresses anglaises que j'ai parlé l'anglais. Ça m'a servi plus tard. Son histoire avec Sadie a duré 10 ans. Une éternité pour moi. Quand j'ai lu « Bonjour tristesse », j'ai compris que Françoise Sagan racontait un crime que j'aurais aimé oser commettre. Tuer la maîtresse. Je ne comprendrai sans doute jamais pourquoi, mais ma mère préférait connaître la maîtresse de son mari, comme pour mieux maîtriser son ennemi. Ma mère était une féministe, mais elle ne discutait pas avec mon père. Je me souviens qu'elle savait se montrer très autoritaire avec les employés de l'atelier. Mais avec moi, elle était si douce. Ma mère était ma meilleure amie. Mon enfance n'a jamais perdu de sa magie. Elle n'a jamais perdu de son mystère. Elle n'a rien perdu de sa dimension dramatique, comme dans Eugénie Grandet. Dans la maison, c'était la zizanie. C'est pour cela que maintenant, je collectionne les maisons vides. Ma mère était malade, elle souffrait d'emphysème. Pour l'aider à respirer, je lui appliquais des ventouses sur la poitrine et dans le dos. Ça la soulageait, vraiment. L'hiver, je l'accompagnais pour de longs mois en cure dans le sud de la France. Mon père avait le champ libre pour ses voyages et ses maîtresses. Lorsqu'elle est morte, j'avais à peine 21 ans. La Bièvre. Cette rivière calme au fond de notre jardin m'a accueillie. J'étais comme Ophélie. J'ai plongé. Je me suis jetée à l'eau, littéralement. Papa m'a sauvée. Il s'est moqué de mon chagrin, de mon acte. Mais il m'a sauvée. Je me suis sentie idiote et reconnaissante. Mon père me disait souvent « Sois reconnaissante ». Une autre chose importante qu'il faut savoir vient de mon ami Louis Jouvet. Lui, il me disait « Rends-toi utile, ma chère !» Mais je ne savais pas quoi faire. J'ai compris. J'ai compris plus tard ces deux choses essentielles. Être reconnaissante et être utile. Il faut se débarrasser du passé. Le présent guillotine le passé. J'ai créé mes araignées géantes en mémoire de ma mère. Et parce qu'elle était aussi intelligente, patiente, propre et utile, raisonnable, indispensable qu'une araignée. Ma mère était aussi une renarde, parce qu'elle ne laissa jamais paraître qu'elle ne savait pas lire une carte. Elle ne laissa jamais voir qu'elle était jalouse de mon père. Elle ne donnait jamais ses raisons. Je l'admirais. En 1938, je me suis mariée avec l'historien d'art Robert Goldwater. Et je l'ai suivi à New York. Je ne m'intéresse pas à l'histoire de l'art. Mon mari l'enseigne, alors j'en entends suffisamment parler à la maison. Je crois bien davantage à l'art comme activité, comme recherche intellectuelle. Robert est professeur à l'université. Il a 30 ans. Il aime la peinture et surtout, il m'aime. Depuis que j'ai perdu maman, je doutais que cela fût possible. Je suis heureuse. Robert est un liseur de nuit. Mais quand donc est-ce qu'il dort ? Londres, 1951, dans notre chambre. Robert, tu n'éteins pas ? Tu vois bien que je lis. Mais tu ne dors jamais. Ah si, mais tu ne me vois pas. Robert, c'est demain que nous le rencontrerons. Tu le sais bien, Louise. Oui, mais j'aime que tu le dises encore. Demain, nous rencontrerons Francis Bacon. Je le tiens comme le plus grand peintre de notre temps. Quand je regarde ses peintures, je me sens vivante. Sa souffrance communique, et je partage cela. Je te fais peur, Robert ? Pas le moins du monde. Notre rencontre a eu lieu. Au sol des débris, Bacon est éméché, il n'arrête pas de parler. Quelle intelligence émane de tout son être ! Sa peau suinte, son visage est un melon trop mûr sur lequel on se serait assis. Sur tous ses tableaux, c'est toujours lui. J'aime son œuvre, sans réserve. Comment tu l'as trouvé ? Fascinant, effrayant, stimulant. Je crois qu'il nous a pris pour des collectionneurs américains qui voulaient lui acheter ses œuvres. Tu as remarqué avec quelle vivacité il déroulait les tableaux sur cet immense divan ? C'est un compagnon de sculpture. Il traite du volume dans l'espace, C'est ta partie aussi. Tes totems. Mes personnages. Tes personnages ne sont pas très éloignés de son travail. Ils racontent ton histoire et tes souffrances, ton mal du pays, tout ce qui te manque. C'est mon petit théâtre. J'exorcise. Je recense que sans Bacon, bien que ses émotions ne soient pas les miennes. C'est un peu comme moi lorsque j'observe ton travail. Mon travail, c'est ça. C'est l'émotion que j'ai en moi. Je sais que tu me comprends, Robert. Les deux dimensions ne me satisfont pas. J'ai besoin de la réalité que me procure la troisième dimension. J'aime beaucoup ta troisième dimension. Robert, je me rends compte qu'en France, je n'étais pas sculpteur. Et je ne pense pas que je le serais jamais devenu. C'est trop propre. On ne trouve rien dans la rue. À New York, on y jette n'importe quoi. Des lits, des ustensiles. On trouve des appartements entiers mis sur le trottoir. Pour un artiste, c'est l'assemblage et le sauvetage. Ces objets sont si merveilleux. C'est vrai que tu ramasses tout. Tu vas lire. Je vais m'endormir et une fois de plus, je ne pourrai pas voir si tu dors vraiment. Il reste un peu de mystère entre nous. J'ai hâte de rentrer à Paris. Nous avons fini ce que nous avions à faire en Angleterre. Papa aimait tant les Anglais, et surtout les Anglaises. Ça va faire 3 mois. 3 mois que je n'ai plus de père. Et tu as survécu. Robert, tu es droit, serein et d'une patience infinie. Je ne suis pas comme toi, et je t'admire. Je m'en sors malgré tout. Oui. Dors, ma Louise, dors. Je veille. Mais le marché de l'art m'ignore. C'est ta chance. Tu es tranquille. Tu as raison, comme toujours. Je suis libre. Bonne nuit, Robert. Une angoisse me saisit face à chaque nouvel interlocuteur, face à l'obligation de dire, de revivre en le racontant un événement du passé. Mais je dois m'exprimer, je n'ai pas d'autre choix. Elle m'a appelé plusieurs fois. Jacqueline Coe voulait me rencontrer. C'était en 95. Jacqueline venait d'assister à mon exposition au Musée d'Art Moderne de Paris. Allô ? C'est Jacqueline Coe ? Oui, je vous ai reconnue. Vous devenez inoubliable. Je voudrais enregistrer les sons de votre atelier. Pas de caméra, seulement mon magnétophone. Alors venez. C'est d'accord. Mais quand je l'ai vue devant ma porte, je n'en avais plus envie. Je ne voulais plus la recevoir. Mais j'avais accepté qu'elle se présente à moi. On verra bien. De toute façon, elle n'est pas du genre à abandonner. Bonjour, Jacqueline Coe. Enchantée de vous rencontrer. Voici des fleurs pour vous. J'ai imaginé que vous aimeriez les tulipes. Oui. Tenez. Vous voyez, je n'ai que mon magnétophone. Pas d'image, seulement des sons. Je vais vous enregistrer. Nous pourrons entendre les tiges des tulipes qui cassent. C'est un son magnifique. C'était un très beau moment. Asseyez-vous. Vous voulez une tasse de thé ? Oui, merci. Voilà ce que vous me faites faire. J'ai peur. Non, c'est plutôt moi qui ai peur. Vous m'accueillez avec un couteau dans la bouche, comme dans vos œuvres des femmes maison. J'ai bien cru que je ne passerais pas le seuil de votre porte. Jacqueline, je me moque que vous m'aimiez ou non. Mais j'aimerais que vous aimiez mon travail. Je suis mon travail. Je ne suis pas ce que je suis en tant qu'individu. Vous pensez que je ne vous aime pas ? Je n'aime pas beaucoup les questions. Je déteste les réponses plus encore. Vous pouvez jeter un coup d'œil à l'atelier. Et selon ce qui vous intéresse, nous aviserons. Très bien. D'une certaine manière, mon sort a été celui de Jenny Grandet. Alors j'ai décidé de reprendre l'aiguille. Je brode. Je restaure. Dans mon enfance, toutes les femmes de la maison maniaient l'aiguille. J'ai toujours été fascinée par l'aiguille. Elle raccommode ce qui a été endommagé. C'est un appel au pardon. Sur quel support brodez-vous ? Des vieux torchons, des tissus de mon trousseau, toutes sortes de choses anciennes que j'ai gardées de ma jeunesse en France. Vous pouvez regarder. Et je peux lire ? Bien sûr. Eugénie Grandet, elle ne faisait que ravauder les draps, c'est comme ça. C'était un destin très modeste et très misérable. Vous avez eu une enfance douloureuse ? Ne prenez pas cet air lugubre. Certains prétendent que j'ai eu une jeunesse dorée. Dans la vie, je suis peut-être la victime, mais dans mon œuvre, c'est moi l'assassin. Vous savez mettre de l'ordre dans le chaos. C'est rare. Je ne pouvais pas m'en sortir avec toute la vie affective que la famille exige de vous. Être sculpteur, c'est une certaine technique pour être d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que je cherche refuge dans une occupation, dans un art qui ne fait de mal à personne. Vous savez, Jacqueline, depuis plus de 60 ans, je produis des œuvres nourries de mon expérience de fille, de femme et de mère. Et depuis plus de 60 ans, je tue le père. Cette photo de Robert m'appelle Torp, cette photo de vous portant votre sculpture, fillette, ce phallus géant, c'est saisissant. Le phallus est l'objet de ma tendresse. Après tout, j'ai vécu avec 4 hommes, mon mari et mes 3 fils. J'étais leur protectrice. Je n'aime pas me faire photographier, alors je comptais sur ce que j'avais apporté chez Robert Mapplethorpe. Mon manteau en fourrure de singe que j'adore et le phallus. Mais ce n'est pas un phallus. Ça, c'est ce que les gens disent. Fillette, c'est une petite fille. C'est une petite Louise qui me sécurisait. Et que pensez-vous de cette photo ? Je ne m'attendais pas à ce que ce grand photographe s'intéresse à moi. J'espère qu'il n'a pas été déçu. Si vous le permettez, je voudrais vous enregistrer lorsque vous dessinez. Quand je sculpte, ça peut faire plus de bruit. Surtout si je détruis mon travail. Eugénie Grandet n'a jamais grandi. Moi, oui. J'ai payé ma dette envers le passé et je suis libérée. L'artiste sacrifie la vie à l'art, non parce qu'il le désire, mais parce qu'il ne peut rien faire d'autre. L'art est une façon de se reconnaître soi-même. C'est pourquoi il sera toujours moderne. Louise Bourgeois, au-delà de Eugénie Grandet, de Charlotte Escamez. Avec Malou Fourdrinier, Johanna Cortas-Altès, Jean-Édouard Baudiac, Élise Arpentinier, Éric Frey, Charlotte Escamez et Rodolphe Congé. Bruitage Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Catherine Dérété, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Moon rises and sets in the real world. Islands and hurricanes. Wind blows in from Jersey. It flows across the bay into the open ocean. It's a good day to run away. Freedom is a scary thing. Not many people really want it. just another speck on the sea. Cool water, cool me. Freedom is a scary thing. Not many people really want it. Faire sensible, la fiction. Ce qui a provoqué ma première sculpture, c'est la peur de la zizanie. C'est-à-dire que quand j'avais 7 ans et que nous étions tous à table, n'est-ce pas, mon père commençait à nous agacer parce qu'il se vantait toujours. J'ai roulé celui-ci, j'ai fait une affaire, j'ai trouvé une statue, j'ai trouvé... Il se vantait tout le temps, un vantard. Ça m'agaçait un petit peu. Et puis après, il regardait la maîtresse, qui était à table avec nous, et il lui disait « Allons-y, Cédé, allons-y, allons faire un tour de billard. » Et puis alors, il jouait au billard pendant des heures. Alors, moi, je sentais la zizanie venir, parce que forcément, maman, ma mère n'aimait pas beaucoup ça. Alors, pour m'occuper, parce que je ne pouvais rien dire, je devenais aveugle. Je ne voulais pas voir la maîtresse et le père au billard. Et alors, je me mettais à modeler avec mes mains la mie du pain. Et ces petites figures ont été mes premières sculptures. Et on pourrait dire que c'était des sculptures d'aveugles. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Louise Bourgeois, au-delà de Jenny Grandet. Notre invité, Jacqueline Coe, psychanalyste, écrivain, cinéaste et artiste, auteur du livre « Tissé, tendu au fil des jours », la toile de Louise Bourgeois. Bonjour Jacqueline Coe. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes psychanalyste, écrivain, cinéaste et artiste, spécialiste des États-Unis. Vous en faites des choses, dites-moi. Vous avez publié des livres d'entretien avec des artistes atypiques de la seconde moitié du XXe siècle, dont ce livre avec et avec Louise Bourgeois, c'est-à-dire que vous l'avez fait à deux, que vous avez rencontré, donc, avec qui vous étiez amis. Vous avez édité au Seuil ce livre dont le titre est tout un voyage. J'aime beaucoup ce titre, long. Tissé, tendu au fil des jours, virgule, la toile de Louise Bourgeois. Je mets un point d'exclamation, hein? Bon. Au peu. D'accord. Vous avez aussi collaboré à l'ouvrage collectif intitulé Andy Warhol, géant aux éditions Faïdon. D'ailleurs, nous avions discuté ensemble sur cette même antenne. Bien, Jacqueline Coe, nous avons évoqué en off, le jour où vous êtes venue, justement, Louise Bourgeois. Là, dans le couloir, on peut tout dire, hein, puisque c'est une artiste que vous connaissez très bien. Et nous nous sommes dit, bien, parlons-en un jour. Comment vous êtes-vous connue avec Louise Bourgeois? Ah, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, parce que moi, j'avais découvert son œuvre en 91 à Lyon, puisque c'était Thierry Raspail qui avait monté la première exposition de Louise en France. Ensuite, il y a eu une très grande exposition aussi à Paris, au Musée d'Art Moderne de Paris à l'époque, qui n'avait pas encore Beaubourg. Et j'étais tombée, mais vraiment amoureuse de ce travail. Et je fais toujours dans ces cas-là ce que je préconise d'ailleurs aux jeunes étudiants que je peux rencontrer lorsque je vais dans des écoles d'art. Quand j'ai cette envie-là qui est très très forte, je téléphone moi-même et je me dis toujours, la personne est assez grande pour me dire non. Donc j'ai téléphoné, je suis tombée sur Louise directement et je lui ai dit, voilà, moi cette fois je n'ai pas du tout envie de venir vous filmer, il y a déjà quelques films sur vous, ce dont je rêve c'est de venir faire des sons avec vos sculptures. C'est-à-dire frotter du marbre, par exemple. Si vous mettez un micro et que vous caressez une sculpture en marbre, vous avez un son extraordinaire. Elle avait donc ses cellules dans son atelier de Brooklyn. Et si vous tirez les chaînes contre de la vitre, si vous tirez... Voilà. Donc il y a toute une panoplie possible de sons à réaliser dans l'atelier d'une sculptrice. Je parle même pas des sons de soudure. Hein. Mm-hmm. Je parle vraiment travailler avec les sculptures et faire des sons. Et là, elle m'a dit tout de suite, bah, écoutez, vous êtes folle, donc venez, ça m'intéresse. Personne ne m'a encore jamais demandé de faire des sons avec mes sculptures. Ça m'intéresse. Donc voilà, donc j'ai pris mon petit billet d'avion et je suis arrivée. Et au passage, ça je le raconte parce que c'est quand même une scène magnifique. On avait parlé, elle m'avait dit qu'elle aimait les fleurs. Enfin voilà, donc moi j'arrive très gentiment, très poliment, avec un bouquet de tulipes à la main. Je sonne à sa porte. Déjà, elle met un certain temps à venir. Je sonne pas deux fois. J'avais quand même perçu dans les quelques bouts de film que j'avais pu voir que c'était une personnalité pas simplissime, on va dire. Hein? Et donc, je me suis dit, bon, j'attends sagement. Donc, je rentre. On se dit pas un mot. Hein? Elle me fait rentrer. Je vois Fillette qui était accrochée dans le... Alors, on rappelle aux éditeurs, quelle est cette sculpture? Cette sculpture, c'est un phallus. C'est quand même un phallus. Et on a cette merveilleuse photo de Louise avec un sourire pervers et radieux, avec le phallus sous le bras pris par Mapplethorpe, qui est une photo qui a bien circulé et qui résume bien d'ailleurs ce qu'était Louise, avec à la fois cette distance, cet humour, etc. Et là, je rentre, elle prend le bouquet de tulipes et elle commence à couper les tiges. Bon, rien d'anormal au début. Mmh. Et puis, je me rends compte qu'en fait, elle est en train de mettre mon bouquet en miettes. C'est-à-dire, elle coupe. Et je me dis, là, si tu fais rien, c'est fichu, tu vas rien faire avec elle. Et là, je dis, bon, ok, le bruit, comme j'étais venue pour faire du son, j'avais mon magnétophone avec moi, donc je, sans rien dire aussi, je sors le magnétophone, je branche le micro, elle ralentit, elle a compris, on se dit toujours pas un mot, hein. Et là, je commence à enregistrer le bruit des tulipes, et là, elle m'a dit, je crois qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et donc le livre. Dans l'archive qu'on a passée tout à l'heure, on entend, enfin c'est la genèse, comment l'art de Louise Bourgeois naît-il dans son imagination et dans ses mains. C'est formidable, ça, quand tout même. Tout à fait. Et elle raconte, encore aussi un autre épisode autour de ce père qui a vécu pendant 10 ans avec sa maîtresse sous le toit familial et parfois, il avait l'habitude de se mettre assez fréquemment en colère, le père. Et donc sa mère, qui prouve le climat très particulier, mettait une assiette à côté de l'assiette de son père et, comme elle disait, mon père avait l'autorisation de la briser. Et quand elle me raconte ça, elle avait une assiette qu'elle casse. Voilà. Et elle dit, voilà, ça c'était mon père et c'est aussi ça qui m'a conduit à la destruction du père, à ses sculptures, etc. Cette ambivalence, parce qu'en même temps elle l'aimait très fort aussi, ce père. Et moi, j'ai rencontré chez cette femme, l'ambivalence, on connaît tous, hein, on sait tous ce que c'est. Mais à ce point-là, jamais. C'est-à-dire qu'au moment même où vous lui parlez, elle est sur la lame du couteau et vous savez jamais de quel côté elle va tomber. Et elle dit, par exemple, le livre qu'elle a beaucoup aimé, plus tard, à l'adolescence, c'est Bonjour Tristesse, de Sagan. Mm-hmm. Parce qu'elle dit, mais voilà, elle réalisait quelque chose que moi, j'aurais voulu réaliser. C'est-à-dire vraiment tuer mon père, vraiment le tuer de façon symbolique. Donc après, elle a beaucoup travaillé sur Oedipe, elle a fait des choses autour d'Oedipe, elle a beaucoup travaillé aussi autour d'Ophélie, parce qu'elle a fait une tentative de suicide à la mort de sa mère. Donc tout est toujours autour de l'autodescription de sa vie, quoi. C'est toujours très très lié avec les pulsions. Hein, vraiment. Alors, au niveau oui. le plus direct, on dirait. Alors, le fait de donner un nom féminin à sa structure phallus, par oui. exemple, qu'est-ce que ça nous dit, oui. ça? Alors, elle dit que pour elle, le phallus, c'est un objet fragile, qu'elle a toujours trouvé quelque chose de fragile, comme une femme pourrait être fragile, qu'elle a toujours été étonnée quand elle allait faire des sculptures dans les ateliers lorsqu'elle était adolescente, et qu'elle voyait ses phallus se dresser, alors qu'elle était en train de faire un dessin, et qu'elle trouvait que ça reflétait une fragilité inouïe, et qu'elle rapprochait ça toujours du côté féminin, pas du côté masculin ou vainqueur. Et de toute façon, elle a toujours, par exemple dans d'autres sculptures qu'elle a fait, où on ne sait pas si c'est féminin, si c'est masculin, si c'est animal, si c'est... Il y a toujours beaucoup de cette ambiguïté parce que, qu'est-ce qu'elle fait, Louise ? Elle travaille avec la pulsion, de manière très très directe. Mais si on retenait bien ça, le phallus est féminin. Merci, j'avais une cause. On se retrouve dans 3 minutes tout à l'heure pour continuer cette discussion passionnante. Pour Louise. Oui, mais oui, pour Louise, bien sûr. Je plaisante. Jacqueline Co, nous sommes là avec vous pour parler de Louise Bourgeois, cette sculptrice, cette artiste si attachante et géniale. Alors, elle se comparait, on rappelle qu'elle n'est plus de ce monde, elle se comparait sans cesse à Eugénie Grandet, cette figure romanesque de Balzac, et personnage de la comédie humaine. Elle disait d'ailleurs, elle est loin, parce qu'elle disait « Eugénie, c'est moi ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Sauf qu'elle était capable de dire dans la phrase suivante « j'ai tout fait » pour ne pas être génie, Grandet, justement. Ah, ces journalistes hein, qui coupent le contexte, qui coupent les toujours phrases et qui ne donnent pas le contexte. Ça, alors, c'est terrible. Mais oui, parce eh ben, redressez, que... redressez ce tort. Vous, ben oui, parce vous, que, vous avez en raison. Même temps, elle, comme elle dit, je peux dire Eugénie Grandet, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu, qui a toujours été soumise à son père. Moi, je me suis révoltée. Moi, j'ai dit, je veux aller à l'école. Je veux apprendre. Ma mère, qui était féministe, m'a dit... Louise, tu ne coudras jamais, tu ne tiendras jamais l'aiguille. Tu vas aller faire des études, elle a donc été au lycée Fénelon. Après, elle est allée dans les ateliers de Fernand Léger, de, etc. Et comme elle avait eu cette jeune femme qui était la maîtresse de son père, qui était anglaise, elle leur avait appris l'anglais. Donc elle pouvait aller dans à peu près tous les ateliers. Il y avait à l'époque à Paris beaucoup d'Américaines qui venaient, ou d'Américains. Et donc, elle pouvait prendre les cours sans payer, parce qu'elle était traductrice à ce moment-là. Mmh. Donc elle dit, mais c'était merveilleux, j'allais absolument dans tous les ateliers de Paris. Donc mon père, là, m'avait servi. Et donc je n'étais pas devenue Eugénie Grandet, j'avais fui et je me suis exprimée. J'ai dit des choses, j'avais des choses à dire. Mais bon, il y a quand même quelque part quelque chose d'Eugénie Grandet qui est au fond de moi et avec quoi je lutte. Vous n'avez pas parlé d'ambivalence, vous ? Beaucoup. Nous y sommes. Beaucoup. Alors si vous trouvez, vous, comme tous les auditeurs, une araignée dans le grenier ou dans la cuisine, dites maman, d'abord vous ferez très cultiver. Il se trouve que ces araignées, dans ces sculptures d'araignées, avec cette araignée à longues pattes, avec le corps tout en haut, là, comme sur une échelle, s'appelle maman. Maman. Parce que maman était tisserande, parce que maman réparait les tapisseries, c'était son métier. Et c'était à ça, d'ailleurs, que Louise, au début, a travaillé. D'ailleurs, il y avait une très jolie anecdote, parce qu'elle dit, à l'époque, sur les tapisseries, on cachait toujours les sexes des hommes. Donc, j'étais, moi, celle qui devait broder pour cacher les sexes des hommes, voilà. Mmh. Ou bien, on les retirait carrément, je les enfilais, je les accumulais, et je mettais des feuilles de vigne à la place. Voilà. Donc, maman était tisserande et maman, donc pour elle, c'est quelqu'un qui à la fois est protectrice mais est dangereuse aussi. Là encore, on retrouve l'ambivalence. Et son rapport à sa mère n'était pas non plus aussi simple qu'on a bien voulu le dire. Il était à peu près aussi complexe que celui qu'elle a eu avec son père. Parce qu'elle a toujours considéré que sa mère ne les avait pas protégés. Mmh. Contrairement à une araignée qui normalement devrait protéger ses enfants. Parce qu'elle a laissé ce père pendant 10 ans vivre sous ses yeux cet amour interdit, après un adultère sous les yeux de l'enfance qui était pas... Donc elle dit ça, c'était son histoire. Si elle ne se révoltait pas contre mon père, c'était son histoire, mais c'était pas la mienne. Et elle aurait dû nous protéger. Donc ma mère n'était pas non plus quelqu'un que j'aimais autant que cela. La toile peut protéger, mais elle peut aussi étouffer. Elle peut aussi étouffer, comme les tanières aussi qu'elle faisait. Oui, elle a fait, puisqu'elle a eu des époques vraiment formidables. Hein. Elle a d'abord travaillé le bois pour se remémorer toutes les personnes qui lui manquaient, qui étaient restées en France, ses grands totems. Après, elle a travaillé le latex, où elle a fait des tanières. Et comme elle le dit, la tanière, c'est merveilleux. À la fois, on s'y réfugie, mais on peut aussi être étouffé dans une tanière. On peut y mourir parce qu'on ne peut plus sortir. On a toujours ce jeu autour de la protection, la destruction. Elle dérangeait. Je crois que c'était tout de même un art dérangeant, parce que c'est aussi un art violent, c'est quand même un art cruel. Et c'est pas quelqu'un que l'on peut ranger. Par exemple, elle a toujours récusé le fait d'être associée au surréaliste. Elle est pas surréaliste, elle a jamais voulu l'être. Elle déteste Breton, elle en disait toujours le plus grand mal. D'abord, elle disait pas mal de mal de pas mal d'hommes. Mais c'est vrai qu'elle avait cette... Moi, j'appelle ça les artistes intempestifs. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui mène son propre chemin, qu'on peut pas affilier vraiment à une école. Donc, c'est difficile à manipuler, c'est difficile d'écrire sur cet art. Et puis, c'était quand même violent. Il y a quelque chose de très violent, même de cruel, parfois, chez elle. Alors, dernière chose, Jacqueline Cause, on dit, oui, voilà, très libre, n'appartient pas à un courant. Enfin, Giacometti était quand même proche. Il y a aussi le peintre catalan, Miro. C'est des gens qui l'ont aidé, dont elle était proche, source d'inspiration ou pas, dites-moi. Le plus proche, l'artiste dont elle était le plus proche, c'est Brancusi. C'est Brancusi, avec lequel d'ailleurs elle allait sur les berges de la Seine quand elle était encore à Paris chercher des bois. Sur les quais de la Seine, il y avait à l'époque des grands bois qui permettaient de retenir les quais, et ils partaient en expédition le soir tous les deux pour ramener ces grands bois avec lesquels elle a fait ses grands totems. Et elle a récupéré aussi des espèces de grandes boules, comme ça, qu'elle avait dans son atelier. Et elle a eu une affection et une proximité dans l'approche et dans l'attitude avec Brancusi. D'accord. Bon, bah Miro aussi, je disais ça parce que nous consacrerons une oui, prochaine émission à Miro. Oui, parce qu'ils se sont rencontrés. Ça et fait ouais. partie des artistes qui étaient à New York, oui. qui sont arrivés à New York à peu près en même temps qu'elle, un peu avant la guerre, en 1938-1940. C'est là qu'ils se sont tous connus. Voilà. Et puis on parlera donc de Miro dans une prochaine fiction d'Affaires Sensibles. Merci infiniment, Jacqueline Co. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Louise Bourgeois, Au-delà d'Eugénie Grandet, une fiction écrite par Charlotte Escamez, réalisée par Sophie Haute-Picon, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Al Nioro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Stéphane Beaujat et Antoine Teboul.